Harry. Maître Gims. Maintenant tu peux m'appeler le fléau. Paris 9, 10, 8e, 19e, 20e. Tu m'as reconnu. Tu m'as peut-être vu sur une avenue. Attends Keïta. Harry. C'est la terre du milieu, en principe s'arabe. La dame, la sassem, ben on lui baisse sa race. J'ai retrouvé la délivrance comme princesse Sarah. Lueur dans les yeux quand tu serres la pince d'un prince arabe. Sur l'autoroute des millionnaires, tu ne fais que piler. Et quand tu piles, tu t'habitues à voir les autres piner. Petit Jean du Dream, tu le restaurant avant le ciné. J'ai l'impression de me faire masser avec du verre pilé. Eh, y'a même plus le temps de jouer au con. Les médias sont en pleine forme. Un mot de travers me coûtera plus cher que taper dans une pute borgne. J'ai les clés de plein de monde, laisse-moi ouvrir d'autres portes. Dites aux gueules qui sniffent moins fort parce que la petite dort sa gastro. Écoutez leur conneries. Il m'en donne la gastro. Je correspondrai jamais au profil du pseudo Cosmo. Rien que pour la lettre franc, je pète une perche chez Gosport. Je suis entouré de bouffons, je suis vert comme Osborne. Je suis posé dans le fond, le genre de type qui est bon qu'on ne PS. J'ai pas passé le brevet, toi tu me parles du BTS, SOS. Personne dans le rétro, RAS, dangereux, comme Christophe Colomb avec un GPS. Dans le fond, le genre de type qui est bon qu'on ne PS. J'ai pas passé le brevet, toi tu me parles du BTS, SOS. Personne dans le rétro, RAS, dangereux, comme Christophe Colomb avec un GPS. Ce monde est foutu, j'ai l'impression que plus rien ne me tient à cœur. De toute façon, pour tout changer, va falloir sucer le sénateur. J'ai tout fait exprès, la balle était belle et bien cadrée. Je me tue à faire des paraboles que personne pourra capter. Dis-moi qui ne se trompe pas, j'ai parlé à mon compas. J'ai l'impression de parler de droit chemin à un compas. Tu vas repartir bredouille, les petits tu leur laisseras rien. Tu brûleras un temps soit peu, même si t'es un Targaryen. Tu te caches, t'es en sous-vêtements, sois pas gêné, wesh arrête. Je t'ai vu en maillot de bain, un Koh Samui, je pense que c'est pareil. Arrêtons nos fausses pudeurs, y'a que des voyeurs attitrés. Le meilleur d'entre nous referme la porte mais elle est vitrée. Dis-moi la vérité, pour moi t'as des sentiments, sale mytho. Je sais que tu regardes en bas à droite quand tu mens. Pourquoi tu louches? Je suis venu reprendre ce qu'ils nous ont pris. Je vais voler la Joconde et je te bute si tu louches des propos rageants. Je me retiens de dire ce que je pense. Pour l'instant je les regarde manger dans de la vaisselle d'or et d'argent. Je suis posé dans le fond, le genre de type qui est bon qu'on ne PS. J'ai pas passé le brevet, toi tu me parles du BTS, SOS. Personne dans le rétro, RAS, dangereux, comme Christophe Colomb avec un GPS. Dans le fond, le genre de type qui est bon qu'on ne PS. J'ai pas passé le brevet, toi tu me parles du BTS, SOS. Personne dans le rétro, RAS, dangereux, comme Christophe Colomb avec un GPS. C'était Maître Gims. Cette fois disque de diamant, et toi ?